J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui même le bassiste de la formation légendaire Metal et Progressive Voivod. Il s'agit de Dominique Laroche. Comment ça va, Dominique? Ça va très bien. Je suis super content de t'avoir ici aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir avoir l'opportunité de t'avoir en entrevue parce qu'on sait que vous devez être pas mal sollicité, j'imagine, depuis la sortie du dernier album, en tant que Voivod aussi, mais parce que vous préparez une nouvelle tournée. Donc, merci beaucoup. On le sait, Voivod, c'est la légende canadienne du métal depuis une quarantaine, un petit peu plus de 40 ans maintenant. C'est vraiment la référence au niveau mondial du métal qui est, comment pourrais-je dire, non formaté, bien entendu, très original et très particulier. On approche le sujet qui est ce 15e album de Voivod, qui est Synchro Anarchy, album qui est paru plus tôt en février cette année et qui a reçu énormément de belles éloges et de belles critiques. On parle normalement, entre autres, pour en nommer quelques-uns, Norton Transmission, Blabbermouth, Extreme Magazine. Et l'album s'est vu propulser à la deuxième position du Billboard iMusic Album Charts au Canada dès sa parution en sixième place aux USA avec au niveau du Current Art Music Album, numéro 7 au Royaume-Uni, en Allemagne, j'en passe, c'est des meilleurs, avec des milliers d'écoutes sur les plateformes de streaming. Écoute, c'est un album qui semble avoir été excessivement bien reçu et je te le confirme en mon nom et en celui du Rockmaster aussi. J'aimerais que tu nous parles un peu du concept de cet album, Synchro Anarchy, pour qu'on en saisisse bien l'essence. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, premièrement, à quoi le titre ferait référence, puis un peu le conceptuel là, de qu'est-ce qu'il signifie, en fait, cet album-là? Ben, pour ce qui est du titre, Synchro Anarchy, c'est sûr que, étant donné la situation qui était présente au moment où l'enregistrement s'est fait, je dirais même avant, pour la création de l'album, c'était très anarchique, si on veut, de okay, ouais. Tout ça. De là est venue l'idée du titre. On a trouvé des méthodes, en fait, efficaces par l'entremise de logiciels comme Logic 10, où ce que on a été capable d'avancer sur la création des riffs, la programmation des drums, puis tout ça avec le timing qui était pratiquement impossible de se rencontrer pour jammer les riffs, a fait que ça a donné une certaine couleur à l'album. Puis au moment où est-ce qu'on s'est retrouvé en studio, juillet 2021, okay. Au studio Radicor avec Francis Perron, où on a pu essayer pour la première fois les riffs qui sont en majeure partie composés par Chewy Mongrain. On a pu essayer ces riffs-là ensemble, créer des en fait, il faut que je précise aussi que Chewy avait fait un bon travail de placer des riffs ensemble pour créer des ébauches de tunes. Fait qu'on est arrivé en studio avec quand même un fil conducteur pour chaque ébauche de chanson. OK. Puis avec aussi l'urgence de le créer, car on avait un certain deadline qui nous était, si on veut, imposé par la maison de disques, par Sony Century Media. Oui, évidemment. Parce que là, on sentait que tout allait quand même éventuellement repartir. Fait que, tu sais, on est comme un parmi d'autres qui avait envie de sortir, de lancer quelque chose pour 2021-2022 dans notre cas. Donc, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé en studio avec cette urgence de créer là, puis le titre Synchro Anarchy prend tout son sens. Venu à l'avant-plan. Mais est-ce que, si je comprends bien, excuse-moi, ce qui veut dire que le titre de l'album, aller jusqu'à ce moment, processus-là, n'avait pas été encore arrêté, là? Ben, en fait, même que la majorité des textes ont été créés en 6 semaines. Oh boy, quand même! Je peut-être 8, là, mais tu sais... Moi, ça me fascine. C'est exceptionnel, le travail de Denis Snake Bélanger. d'avoir pu. Tu sais, quand tu es rendu à ton 15e album, ben c'était peut-être le 13e, étant donné qu'il y en a deux qui avaient été faites des années Oui. 90 avec Eric Forrest. Ben, tu as quand même 13 albums d'écriture. Comment Oui. fais-tu pour être original puis De renouveler, puis. renouveler, sans parler de la pandémie, parce qu'à un moment donné, un coup que c'est fini, on veut juste plus entendre parler. Fait que là, ben, tu sais, c'est ça. C'était avec du brainstorming entre les boys. On a pu jaser, discuter. Quand on se fait des conversations sur Messenger, il y a tout le temps comme Michel Houellangevin va envoyer des nouvelles. Hey, avez-vous vu ça? Avez-vous entendu parler de ça? Dan, Chewy, c'est la même chose, les gars. On s'envoie des sujets qui peuvent être pertinents de disons, D'idées. ouais, romancer d'une manière voyvode. Puis c'est sûr que les riffs, c'est le fun de la position que Chewy puis moi, on a dans le groupe, étant donné qu'on est des fans avant tout de longue date. Tu sais, j'en reviens tout le temps à l'anecdote qu'on était à la tournée Nothing Face au Cégep, Pavillon des Humanités, je pense. Ben, c'est le pavillon des sciences. Des sciences, excuse-moi. Oui. On était là ce soir-là avec Genetic Error en première partie. Oui. Où est-ce que pour moi, tout a commencé? Parce OK. que je me tenais au local Saint-Denis. D'ailleurs, c'est là que je t'ai rencontré les premières fois avec Ben oui. Alain Lefebvre. Bon, les connaissances de longue Et date, oui. voilà. Fait que moi, je viens de cette école-là, là, tu sais. OK. Qui était Ben, pratiquement la même école que Voivode dans la manière de créer, de se retrouver en local. oui, c'est vrai. Fait qu'on. Absolument. Oui, écoute, c'était autre temps, autre façon de faire, mais qui à l'époque était sensiblement un peu le même pattern pour pas mal tous les groupes qui émergeaient à ce moment-là, tu sais. Puis, non, tu as absolument raison. Mais là, si je comprends bien, tout ce processus-là de création, aller jusqu'au moment où vous vous retrouviez au studio Radical de Francis, qui a fait une sacrée belle job, soit dit en passant, c'est tout se fait à distance, là. En fait, c'est sûr qu'on est quand même, je reprends par rapport à la création de la musique, je te dirais, il y a pratiquement tout ce qui a été écrit sur cet album-là au niveau des guitares, puis une bonne partie des basses aussi, ça vient de Dan, ça vient de Chewy. Chewy, c'est pas juste un talent sur une guitare, c'est plein de sphères dans lesquelles il y a Il évolue bien, puis il est pour à moi, c'est du l'aise. génie, là, tu sais, de Oh, pouvoir écrire de cette manière-là. Dan, écoute, je sais pas où est-ce qu'il va chercher ça. Quand il envoie des riffs sur Dropbox, écoutez celle-là, tu sais, j'ai mis de quoi sur oui. Dropbox, j'écoute ça, puis je fais, ben voyons donc, tu sais. Ben, c'est peut-être un extraterrestre. Écoute, ben, je pense que ça l'est tout. Je me demande moi aussi des fois. Moi, j'ai En tout peut-être cas, des idées un oui doit arrivées être par content. eux autres. Ouais. Écoute, toi, en tant que tu es arrivé au sein du groupe en 2014, et puis c'est ton deuxième album studio complet que tu fais avec Voivode. Je passe évidemment là, les EP, ainsi de suite, les singles. Mais. Comment pourrais-je dire? Tu es arrivé dans un mode où le groupe était beaucoup plus affirmé au niveau progressif, entre guillemets, si tu le veux, parce que je ne veux pas nécessairement donner d'étiquette au groupe, on s'entend, mais que la sonorité était beaucoup plus marquée, progressive. On savait que Voivode le faisait depuis un bon nombre d'années, mais je pense que ces albums-là ont comme marqué dans le temps quelque chose d'important au niveau de cette tangente-là. Puis, ce que j'aimerais savoir, puisque en fait les auditeurs aimeraient savoir, c'est est-ce que cette avenue-là progressive, elle s'est imposée d'elle-même ou est-ce que c'est un consensus de groupe? Vous avez dit, OK les boys, maintenant on fait plus progressif. Comment c'est arrivé? Chewy et moi, premièrement, je pense que étant fan, il y a des choses qui nous ont peut-être plus rejoints dans l'écriture de Voivode qui a été faite dans les années 80, entre autres. OK. Puis, c'est sûr que Killing Technology, Dimension et Trust, puis Nothing Face, c'est des albums qui nous ont marqués. C'est à nos débuts en tant que musiciens. C'est ce qu'on a dans l'ADN, OK. comme dit Dan souvent. Tu sais, on l'a, ça sort naturellement sans vouloir essayer d'imiter quelque chose. On fait OK. simplement écrire, c'est sûr, dans un quand même un cadre qui se veut Voivode. Mais c'est je pense qu'on prend souvent la position du fan quand on est dans l'écriture. On prend un recul à se dire, écoute, le fan, le musicien, il est content, mais le fan, qu'est-ce qu'il dit de ça? OK, fait qu'il y a une dualité là au niveau de la position là. Ben, c'est sûr que moi, si j'ai à écrire des bases. Quand j'ai à le faire, en fait, j'ai souvent le regard, le recul du fan qui se demande, OK, le fan, il aime tout ça, là, tu sais, OK, Oui. le musicien, il est satisfait, mais le fan, qu'est-ce qu'il en pense? Puis, c'est drôle parce que on a la position quand même de pouvoir avoir ce recul-là. Oui, absolument. Puis, ben, de voir Huey puis Snake sourire quand ils entendent ces riffs-là, Ben, puis ça. aussi instantanément quand ils embarquent là-dessus, ça peut pas être plus peu que Ben Voivode. oui, absolument. C'est du Parce que. Voivode. Ben oui, mais c'est ça, tu m'enlèves les mots de la bouche, dans le sens que Voivode a une signature, a toujours eu une signature particulière, une signature qui n'était pas imitable. Et plusieurs ont tenté de le faire, mais ça ne sonnait jamais vraiment Voivode. Dans le fond, puis dis-le-moi si je me trompe, j'ai vraiment l'impression que cette. Puis je prenais le terme d'évolution tout à l'heure, là, puis pour spécifiquement pour le besoin de la cause. Cette forme d'évolution-là, c'est probablement faite d'elle-même. C'est une transition qui s'est faite naturellement, sans que ce soit provoqué, si je comprends bien. Ben, oui, c'est ça. Je pense simplement la suite logique des choses et toute la manière que Voivode se change de forme pour survivre à tout ça, mais qui Oui. réussit à bien le faire aussi, puis qui étonne, je pense, un peu tout le monde Oui. de voir comment qu'après autant d'années, en 2022, qu'on arrive avec des critiques comme ceux qu'on peut voir, puis c'est assez unanime. Puis s'il n'y a pas, je pense, tout ce qui a été fait depuis le début de Warren Payne jusqu'à aujourd'hui, ça a tout sa pesée dans ce que Synchronarchy est aussi. Tu sais, C'est si vrai. tu enlèverais un album, puis il y aurait quelque chose de différent probablement dans Ouais, ça l'influence serait peut-être une de forme de chaînon l'album. manquant, à quelque Ouais. part. Non, je suis Puis d'accord pendant avec toi. l'urgence, écoute, Oui. je regarde, je repensais à l'urgence d'écrire, puis il y a eu tout le artwork qui était fait de Huey. Oui. Lui, c'est comme assez hallucinant de pouvoir aussi évoluer dans l'art comme il fait, puis d'être aussi précis avec son art et la musique. Puis à chaque fois qu'on avait une nouvelle tune qui était comme pratiquement fini d'être enregistré. Oui. Ben, pendant qu'on écoutait les rough mix, on regardait Francis travailler, ben lui, il était sur le dessin de chaque OK. tune. Fait que Ben, ça a l'air d'être très intrinsèque pour lui, les deux, hein? ben il est déjà dans le probablement dans le visuel, Oui. Ben, entendant les premiers balbutiements d'une chanson, le oui. son. Puis on a eu par ailleurs. Le clip de Planet Eaters Oui. était fait par Pierre Ménétrier avec le artwork de Huey qui est en mouvement. Oui. C'est hallucinant. Oui, tout à fait. Oui, c'est. Oui, c'est vraiment. Ça veut dire ce que c'est, absolument. Est-ce qu'on peut dire à quelque part que le groupe, et ça, on parle depuis ses tout débuts, parce que tu le mentionnais, les années 80, avec Warren Payne et compagnie, et Roar, qui, soit dit en passant, est encore un de mes albums fétiches du métal. Est-ce qu'on peut dire que Voivode est un groupe un peu caméléon, qui s'est toujours bien adapté au moment, à la période, comment je pourrais dire, sans suivre une vague, sans suivre une mode, a toujours été apte à passer au travers, dans le fond, du temps, si on veut. Ben, Si on est ici à se parler aujourd'hui, je pense des que bonnes chances. ça peut répondre à la question. Ouais. Mais pour être un peu plus précis, c'est certain que je pense que les sujets qui ont sur lesquels Voivode souvent va s'exprimer, c'est quelque chose qui reste d'actualité, sinon plus, le nucléaire, la guerre froide. Oui. Tout ça, puis aussi le côté science-fiction qu'on peut quand même dire qu'on a totalement dépassé ça aujourd'hui. Oui, absolument. Ben, quoi que la quelque chose science-fiction est réalité aujourd'hui ou à peu près, là. Et voilà, tu sais, fait que c'est quelque chose qui parle de plus en plus fort. Je suis tout le temps comme étonné de voir à quel point que c'est d'actualité. Encore Ben, plus que quand ça l'a oui. été. Mais sinon, on sent au niveau des paroles qu'il y a une certaine fébrilité au niveau de l'équilibre non présente, au niveau de mondialement, de tout ce qui se passe, de tous les débalancements, les conflits, ainsi de suite. On sent que ça a une importance flagrante dans le message qui se passe. Et oui, puis Snake, tu sais, c'est un gars qui a étudié le théâtre. Dans sa manière de le raconter, les personnages qui vont l'habiter pendant qu'il chante, oui. qui exprime les textes, puis justement tout le côté progressif, le côté qui se veut très imagé au niveau de la musique et des paroles, oui. avec le personnage. C'est quelque chose qui emmène encore plus une crédibilité parfois à des choses qui sont totalement comme c'est sci-fi, mais en même temps. Oui, qui pourrait demeurer abstraite, si on veut, d'une certaine façon. Mais l'aspect théâtral que tu parles au niveau de Snake, on le perçoit bien en écoutant. Hein. Je trouve que c'est flagrant que. Puis tu me l'apprends que Snake avait fait des études en théâtre. Puis moi, je me disais, écoute, quand il chante, j'ai l'impression qu'il endosse un personnage. Et tu me le confirmes, puis c'est très, très évident. Ben, tu sais, il y a Wick qui racontait qu'ils ont découvert Snake pendant qu'il était dans une joute d'impro Oui, c'est vrai. à Jonquière. Puis, oui. Tu sais, c'est ça, il fallait qu'il fasse une imitation d'un ver de terre, puis il y avait eu une ovation. Puis là, c'est là qu'ils ont fait tabarouette. Tu sais, il y avait quelque chose. Snake, il a un charisme incroyable, puis oui. il a un imaginaire très unique. Snake, il a été aussi, quand il est arrivé dans le groupe, quand ils ont starté le groupe, il n'avait pas connu d'autre chose en tant que chanteur. Donc, il était moulé par Piggy, tu sais, qui disait, écoute, regarde, peut-être cette note-là fêterait sous mon riff. Oui, oui, oui. Oui, il s'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment moulé à ce que Voivod voulait être. Ben voilà, c'est Voivod. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des fois comme Chewy va avoir un riff de guitare. Là, on écoute la toune, puis là, il faut qu'il chante là-dessus, lui-là. Là. Oui, ben oui. Là, là, Dan, tu sais, qui théoriquement, il n'y a plus de secret pour lui au niveau de la musique, il peut souvent tout t'expliquer qu'est-ce qui se oui. passe. Oui, oui, là, il va avoir son idée de quelle note choisir, quelle affaire faire, puis, mais on laisse aller Snake, puis là, Snake, il nous sort de quoi? Puis là, Chewy, puis moi, ça regarde, là, c'est comme, ben voyons donc, il va chercher ça, puis là, finalement, tu dis, ben oui, c'est lui, Voivode, tu sais, il peut ben pas. Oui, c'est je suis d'accord avec toi, parce que je pense que la signature de Voivode est justement énormément en fonction de l'inattendu. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ben, d'un album à l'autre, je pense que les fans le remarquent aussi. Oui. Ça va être une surprise. Puis là, ben, je pense qu'on a encore surpris une fois là, pour l'inattendu, disons. Et absolument, là. Absolument. Toi, personnellement, Synchro Anarchy, est-ce qui fait maintenant partie de tes albums préférés de Voivode? Écoute, sans prétention, je capote cet album-là. OK, super. Puis, c'est drôle parce que c'est ça, tu sais, je pensais à la toune Memory Failure, qui est la dernière pièce de l'album. Oui. Cette pièce-là, je le mentionne, c'est un travail de création à 100% Daniel Mongrain au niveau de guitare et basse. OK. Puis quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre un peu comme si c'était une toune qui n'avait pas été sur Dimension et Truss. C'est OK. de quoi qui me rappelle un peu ça. OK. Je l'écoute quasiment comme un fan, même si c'est moi qui joue. Ben, Je veux dire. c'était en fait, ma question s'adressait aux fans aussi, dans le Oui. fond. Aux fans que tu es en dedans toi et que tu dois toujours demeurer, j'imagine. Oui, c'est certain. C'est certain. Le fan forever. Puis. Ben écoute, j'en doute pas, là. Tu as déjà en partie répondu à ma prochaine question, mais je vais quand même, étant tête dure de nature, te la poser. Le processus de création, en fait, depuis que tu es au sein du band, il se passe, je sais, de te parler que Daniel en faisait une bonne partie, que Snake s'occupait beaucoup de l'aspect lyrics et théâtral du groupe, que Howie aussi, bien sûr, par tout ce qui est l'imagerie principalement. Mais est-ce que c'est-tu tout le temps un peu de la même façon ou il y a quelqu'un qui a une idée, il lève sa main, on essaye là-dessus? Comment ça se passe? Comment tu te situes, toi, dans ça? Bien, premièrement, une des forces du band, probablement, pour arriver à du résultat comme on a, c'est que tout le monde est très humble. Tout le monde est. L'idée, une fois qu'elle est sortie, elle ne nous appartient plus personnellement. OK. C'est tout le temps pour le groupe, c'est tout OK. le temps pour C'est le pour la respect collectivité. OK. du groupe. C'est avec respect aussi qu'on est capable de communiquer. OK. Ce qui fait que quand même que je vais travailler 20 heures sur un passage de base, si c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a des OK. fois, ça peut prendre 5 minutes, ça pop, ça sort, c'est là. On a tout le temps comme droit de s'exprimer et Parfait. aussi, on prend un recul et on a, c'est souvent... Très pertinent quand on amène des points par rapport à notre opinion sur le riff en question ou la Ouais. toune, qu'est-ce qu'on en pense. Il y a une manière de se le dire. Puis souvent, on regarde beaucoup plus des solutions d'améliorer tout le temps. OK. Puis C'est un les travail collectif. Oui. Mais tu sais, il y a des méthodes de travail, comme exemple, ça prend quand même un chef. Parce Oui, ben, d'une ligne que, directionnelle à quelque part, là. oui, puis nous autres, ben, on a le meilleur, on a Chewy. Sa Oui. méthode de travail est efficace, mais ça demande une énergie puis un temps. C'est un travail colossal. La manière qu'il a mis en place les maquettes pour qu'on puisse arriver à du résultat. OK. Pour avoir les tunes à temps pour le deadline, Dan, je pense que c'est ça, il a tout donné, tout le monde a tout donné, puis ça se ressent dans le résultat aussi. Francis Perron, à toutes les fois que j'arrivais au studio, il avait son JBL dans les mains pour écouter ce qu'il était en train de travailler comme rough mix, comme mix. OK. Il avait la forme de la chaise. Ouais, OK, je comprends. Ça aussi qui est un point très important, c'est que chaque personne, de ce que je me rends compte depuis que je suis présent dans le groupe, chaque personne qui se joint, qui se moule au band, qui travaille, qui veut aider le groupe à avancer, c'est toutes des fans du OK. band. Ce qui fait que je pense à Syl Dijon qui a fait le vidéo Synchronarchy. Ben, c'est C'est un incroyable le fan. travail qu'il a fait. Il calcule pas ça à l'heure, lui-là. Non, non, non, il calcule ça par plaisir, là. Les personnes s'offrent à travailler avec le Ben, Philippe Belalcazar, qui travaille sur un éventuel film documentaire qui va Oui. sortir éventuellement en 2023 pour le 40 ans du band. Oui, oui, oui. Lui s'est offert pour faire la vidéo du clip Sleeves Off. Tu sais, c'est quand même, OK, je vais vous le ah, c'est faire, les gars, cool. la vidéo. Mais je pense que écoute, tu me diras si tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que de travailler avec Voivod, c'est en premier lieu un plaisir parce qu'il semble que, puis je ramène le travail de Francis, il s'est vraiment donné parce que pour lui, c'est un réel plaisir de le faire avec vous autres. Là. Puis ça, on l'entend là, en l'écoutant l'album. Là, Francis, si je ne me trompe pas, je pense qu'il avait 10 ans. Il était dans le fan club du band. Ah oui. De Voivod. Fait que c'est une histoire d'amour avec le band de longue date. On peut dire que c'est le cinquième membre du band. Francis, il fait ça d'un travail colossal avec respect. Oui. C'est pro, hein, d'ailleurs, aussi. On a beaucoup de chance d'avoir toute cette équipe-là, autant pour la maison de disques, je pense à Century Media avec Sony, je me souviens, quand on a... C'est pas pour plugger le Juno, mais quand non, on non, non, mais Juno, ça vaut la peine, parce que c'est méritoire, là. On était au Juno, puis je me souviens qu'on était assis à une table ronde, puis quand on a été nommé pour aller chercher le prix, l'équipe, puis pas juste l'équipe, t'as senti dans toute la salle... la vibe. Une satisfaction, puis un plaisir, de la reconnaissance que le band avait, qui était très mérité. Ben oui, absolument. Puis, tout le monde était assis, habillé, je me souviens, le représentant Sony Canada, qui était assis à côté de moi, veston, cravate, tu sais, sérieux, tu sais, mais ouais. Quand même avec honneur d'être là, puis tout le monde était très fier. Ben puis, oui. Après ça, on faisait une représentation, c'était à London, Ontario, puis le premier qui était là avec son perfecto, son gilet de Voivod, puis qui chantait les paroles, c'était le représentant. C'était lui! Fait que là, tu te dis, waouh, on a une équipe qui sont des fans. Tu sais, ben oui. C'est ce qui fait, je pense, toutes les petites additions comme ça que Voivod continue de prendre, de vivre aussi en santé que ça. Oui, oui, puis de vivre une belle histoire aussi. Tu permets que je t'appelle Rocky? Ben certainement. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser la question de où vient ce surnom de Rocky? Je vais faire l'histoire courte. Premièrement, vu que mon nom, c'est Laroche. J'avais début trentaine. Ça fait longtemps, ça. En fait, c'était pas Rocky à ce moment-là. C'est que je jouais avec Steve Hill. Oui. Puis, je lui disais, moi, si j'ai un gars, on faisait des jokes, demain, je vais l'appeler Rock Laroche. il dit c'est toi, Rock Laroche. Fait qu'il s'est même baptisé Rock Laroche sur scène, puis c'est devenu Rock, ou surtout sur dans la scène montréalaise, disons. Oui, oui, oui. Puis finalement, quand Chewy parlait de moi à Snake, puis les gars, naturellement, ça a été instantané. Ils m'appelaient Rocky entre eux autres. Okay. Ben oui. Fait que c'est parti d'un gag. Je m'en attendais. Je sais pas, j'avais le feeling que ça allait être ça si ouais, c'est la cool. Suite était. Ouais. Hey, dis-moi, Doom, la tournée va s'amorcer en début juin, le 1er. Et puis, on a l'honneur, nous autres, et la chance que vous avez de débuter le premier spectacle, la première partie de la tournée. Vous allez faire ça ici à Trois-Rivières, à l'Entité. Moi, j'ai une question qui vient avec ça. Premièrement, merci, évidemment. Mais les deux dernières années ont été vraiment, tu sais, bon, on se cachera pas, chaotiques, qui ont été sur un... On recommence-tu, on arrête, on fait deux pas en arrière, on en fait un en avant, on en fait trois en arrière, ainsi de suite. Bon. Là, vous repartez en tournée. Est-ce que c'est difficile de remettre la machine, de repartir toute cette machine-là pour recommencer dans un esprit dit normal, de recommencer à justement à jouer devant le public, ainsi de suite? Est-ce que c'est quelque chose qui a été, pendant ces deux années-là, difficile de remettre sur pied pour repartir? Puis mon deuxième volet de question, c'est est-ce que vous aviez vraiment hâte que ça arrive? Pour ta première question, en fait, on a quand même été très présents sur ce qui était des réseaux sociaux. On a réussi à, à fournir des documents très intéressants aux fans, l'album Live Lost Machine qui avait été des lives de studio en streaming, entre autres. Des lives de studio en streaming qui sont d'ailleurs, tout est accessible pour les lives. Puis toute l'information qu'on veut savoir sur Voivod, pendant j'y pense, allez sur voivod.com qui est un nouveau site qui a été fait par Luc Leclerc, entre autres, qui est Gloom Influx. Okay. Si vous voulez savoir, en savoir plus sur Luc, là, c'est... Il a fait un site hallucinant, puis tout est là, tout est accessible, super facile d'accès, le merch store, puis tout ça. Là, mm-hmm. Oui, j'ai vu ça, c'est bien. Tout, oui. Toutes les dates là, pour acheter des billets d'ailleurs, puis tout. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'était qu'on était quand même très actifs. On a quand même aussi pu faire... pas loin d'une dizaine de spectacles l'été dernier, là, le temps où ce qu'on a déconfiné l'été 2021. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ça nous a permis de jouer dans quelques festivals, à voir les Macadam. Ben ici, à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre, d'ailleurs. À l'amphithéâtre, oui. D'ailleurs, c'était la deuxième fois que Voivod présentait un spectacle à Trois-Rivières. Avec moi. Ah, OK, oui. Le premier qui avait été au balcon. Oui, c'est vrai. La Debs, ben oui. Ben oui, ben oui. C'est ça. Cette fois-ci, pour une troisième fois, Voivod, exceptionnellement, commence la tournée à Trois-Rivières. On est très fébrile de ça, puis très honoré aussi de pouvoir jouer à l'entité. C'est une belle équipe dynamique qui travaille là. D'ailleurs, oui. Ma blonde Karine travaille là aussi. Ah oui, je suis allé le visiter il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui. C'est un bel endroit. Oh, oui, c'est très cool. Bel endroit, l'équipe avec Ben Sivigny. Mm-hmm. Oui. C'est une équipe super dynamique. Simon Legendre aussi qui est là, qui met la musique dans le temps au gosier. c'est vrai. Oui, les Mardi Rock et tout ça. Oui, oui, oui. Hey, OK, tu me rappelles les souvenirs, toi. Oui, oui, bien certain. Fait que c'est quand même... c'est le fun qu'on puisse commencer la tournée à Trois-Rivières. Le gear est ici parce qu'on a travaillé beaucoup au studio Radicor. Fait que, ben oui, c'est vrai. C'est aussi logique qu'on commence ça ici, mais c'est quelque chose de jouer devant les amis, la famille, les fans de Trois-Rivières. C'est quand même très excitant. Ouais. Non, mais tant mieux. Donc, je comprends bien que pour vous autres, c'était. Vous aviez hâte que ça reparte d'une façon un peu plus régulière, là. Bien, certainement, tu sais, on est un band aussi qui sait comment cohabiter dans un tour bus. Oui, c'est important. On a une simplicité d'être ensemble. Je pense à. J'écoutais, tu sais, comme Chewy, puis ben, tout le band. Tu sais, une fois qu'on est embarqué dans l'autobus pour quelques semaines, normalement. Oui, oui, oui. C'est comme s'il y a quelque chose qui se met à pause, à stand-by un peu de ta vie du quotidien. Okay. Puis là, ben, tu sais, tu as un horaire, puis tu regardes l'horaire pour le lendemain. OK, le boss call, c'est telle heure, le soundcheck est à telle heure. Puis c'est comme si on te prend, puis on te promène ici et là. Oui. Il n'y a plus rien d'autre à penser qu'aller jouer du Voivod. Ben, je comprends, puis j'imagine ça donne un break du quotidien, des fois, qui est une course qui est... assez freiné, oui. C'est quelque chose pour certaines personnes. Mm-hmm. Je pense à Chewy, tu sais, qui enseigne au cégep de Joliette. Ben oui. Après ça, tu sais, il est dans toutes sortes de projets. Puis là, ben, quand tu arrives en tournée, puis tu t'assois dans le tour bus, ouais. OK, là, on s'en va jouer du Voivod. On fait ça tous les jours. Ouais. On a une équipe qui est super le fun. Tu parlais de War tantôt. Mike Amstatt, qui est... oui. Qui était ingénieur, qui a fait tout, qui a travaillé. Oui, que j'ai connu aussi à l'époque. Ben, c'est notre Sandman. C'est-tu sérieux? Oui, c'est lui qui est. Ah ouais, là, c'est Mike qui est notre Sandman, cool. Ouais, fait que tu vas avoir l'occasion de le rencontrer. Il va être à l'entité avec nous autres. Ben, puis ben, Mike est là de bon cœur parce que, tu sais, s'il pourrait se tourner avec n'importe qui, tu sais, puis c'est parce que c'est un vieux chum, il est dans la famille depuis longtemps. Ben, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein. Notre gérant, James McLean, lui qui est basé à Toronto, va descendre à Trois-Rivières et va faire quelques dates au Canada. Mais tu sais, lui aussi, il est là depuis des années et des années, oh, oui. des décennies. Fait que c'est vraiment le fun. C'est ouais. le fun d'entendre ça, que dans le fond, toute l'organisation qui tourne, y compris toi et Chewy, vous êtes tous des fans du groupe, de ses débuts, puis que maintenant, vous faites partie de cette grande famille-là qui est Voivod. C'est vraiment le fun d'entendre. Ben oui. Écoute, c'était super le fun de t'avoir en entrevue, Dominique. Je suis très heureux. Ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas parlé. On va sûrement remettre ça au spectacle, c'était 2 minutes, là, c'est sûr. Ben oui, certain.